Une fois de plus, ouais. Yeah, quand la nostalgie revient, toi-même tu sais. Instant passé, vas-y, écoute ça. Y'a pas si longtemps quand le sun tapait, un gamin de 15 piges à son carreau contemplait les rayons du soleil rayonnant sur le bitume. C'est moi, SKA, flashback, attitude. Les pilotes au volant et les basses dans les baffes. Les bagarres retournant, ruelles remplies de graphes. Mino marquera la main, fallait faire gaffe. Inconscient, pleine journée, je faisais mon taf. J'ai plein de souvenirs qui me font ressasser. Tous ces moments vécus, ceux d'un proche passé. Ceux d'un jeune fou courant sans faire ses lacets. S'il y avait trop de gyrophares, j'étais sûr de me casser. Toujours à se taper des tripes, au fin fond de ma tête, je me voyais entouré de ladies. Passant state, traverser le monde sur ma planche de skate. Des copines voulant poser en tant que playmate. J'avais toujours cette envie de sortir dehors, d'embellir de couleurs la tristesse de mon décor. Même quand c'était mort, mon manga galère en solo. Beaucoup de temps dans ma chambre à squatter la sono. Premier pas dans la dèche mais aussi dans le bise. On se sort comme tu veux, que veux-tu que je te dise. Tout jeune victime de Babylone et son emprise. Ma réponse est claire si ça choque dans le quiz. Grâce à ma musique j'ai kiffé l'adolescence. Premier coup, premier rime, première effervescence. Dans la poche droite un texte, dans la gauche un postcard. Un cri d'évolution dans n'importe quel cas. Aujourd'hui chroniqueur, bien loin d'être un chroniqueur. Le destin martelé avec un marteau piqueur. Parfois juste un air ou une simple mélodie fonctionne comme un marque-page dans le livre de ma vie.